Viens rêver avec moi. Bonjour, comment vas-tu? Passes-tu une bonne journée? Tu sais, une des choses que je préfère, c'est regarder autour de moi pour voir de nouvelles choses. Et toi, t'aimes cela aussi? Je me souviens de l'époque où Grubby, Newton, Gimmick et moi, nous avons eu la chance de voir les choses comme on ne les voit pas d'habitude. Tout a commencé quand Grubby et moi sommes retournés chez Gimmick après avoir été chercher à manger. Oh, Gimmick, nous sommes de retour. Oui, et nous ramenons plein de choses à manger. Oh, merveilleux! Je suis content que vous soyez de retour, c'est étonnant, étonnant. C'est étonnant que nous soyons de retour? Non, si. Non, il s'agit de ma nouvelle invention. Elle est absolument étonnante. C'est vrai, Gimmick? De quoi s'agit-il? Eh bien, ce n'est pas vraiment une nouvelle invention, non. Il s'agit d'une sorte de vieille invention. Non, en fait, ce serait plutôt une découverte. Oh, alors cela explique tout. Oh, attendez, je vais vous la montrer. Gimmick nous a montré ce qui lui passionnait tant. Je pense que vous avez déjà vu cela avant. C'était ma machine à faire du soleil. Mais je ne parvenais pas à la faire fonctionner convenablement, malheureusement. Oui, ça s'explique. Grubby, voyons. Continue, Gimmick. Eh bien, ce matin, après votre départ, j'ai regardé ces cristaux provenant de l'ancienne cité secrète. Oui. Comme tu le sais, nous n'avons jamais pu découvrir à quoi ils servaient. Alors, ce matin, j'ai essayé de mettre un cristal dans la machine. Et elle s'est mise à fonctionner. Et elle a produit du soleil? Non. Non. Le cristal l'a transformé en une machine à réduire. Tu tiens vraiment à perdre des kilos, Gimmick? Non, tu n'y es pas. Il ne s'agit pas de ce genre de machine à réduire. Tu vois, tout ce que tu déposes dans un cercle de lumière est réduit à une fraction de sa taille normale. Tout? Oui, selon mes tests, tout. Sauf le cuivre, le bronze et certains alliages. Tu n'aurais pas du cuivre, du bronze ou un alliage sur toi par hasard? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Eh bien, j'ai essayé la machine sur pas mal d'objets ce matin. Et maintenant, je voudrais l'essayer sur des personnes. Quelles personnes? Nous, tous les trois. Teddy, je crois que je vais aller faire un tour et cueillir encore quelques fraises. Au revoir. N'aie pas peur, mon garçon. Selon mes calculs, il ne devrait pas y avoir de problème. Allons, Grubby. Si on essayait... Pourquoi n'allez-vous pas, vous, dans le cercle? Moi, je m'occuperai de la machine. Pas de problème, Grubby. Je peux m'occuper de la machine grâce à cette commande à distance. Quand j'appuierai sur le bouton rouge, nous rétrécirons jusqu'à quelques centimètres. Puis, quand j'appuierai sur le bouton vert, nous retrouverons notre taille normale. D'accord. Allons-y. Viens, Grubby. Viens dans le cercle. Bien. Tout le monde est prêt? C'est parti! Ça a marché. Ça a vraiment marché. Je n'arrive pas à y croire. La machine de Gimmick avait vraiment fonctionné. Nous étions minuscules. C'était fantastique. Oui. Tout s'est passé comme mes calculs le prévoyaient. Gimmick, je me demande pourquoi la commande à distance n'a pas rétréci en même temps que nous. Oui, c'est curieux. De quoi est-elle faite? De cuivre, de bronze et de certains alliages. Bien, tu crois que c'est pour cela qu'elle n'a pas rétréci? Oui. Tu as peut-être bien raison, Grubby. Hé, les gars, regardez donc qui vient là-bas. C'était Fuzz, le bébé fort qui habite chez Gimmick. Des minuscules comme nous l'étions, il avait vraiment l'air énorme. C'est étrange. Il rampe exactement comme quand il veut capturer quelque chose. Ça n'a rien d'étrange. C'est à nous qu'il en veut. Courons. Oh ah, sous le divan. Là, il ne pourra pas nous atteindre. Oh, ça en a fallu de peu. Oui, j'aurais préféré que l'invention de Gimmick n'ait pas marché aussi bien. Va-t'en, Fuzz. Allez, Oust. Je ne pense pas qu'il va partir. Il est plutôt obstiné. Il doit aussi être un peu myope. On dirait qu'il ne nous a pas reconnus. Bien. Je suppose que la seule chose à faire, c'est d'attendre qu'il s'en aille. Nous avons attendu longtemps, mais Fuzz ne voulait pas partir. Tu sais, je n'avais jamais vu l'intérieur d'un divan auparavant. Regarde tous ces ressorts complètement tordus. Hé ! On pourrait peut-être grimper dans le divan. Si Fuzz ne nous voit plus, il se fatiguera peut-être et s'en ira. C'est une idée géniale, Teddy. Ok, voilà un ressort qui descend. Nous pouvons y grimper. Ici, accroche-toi à ce fil. Fais attention, ce morceau de coton, il est déchiré. Pareil, tu me marches sur la main. Chut, ne faites pas tant de bruit. Il ne faut pas que Fuzz nous entende. Hé, je vois de la lumière, là. Il doit y avoir un trou dans le divan. Grimpons là-haut. Nous nous sommes hissés jusqu'au sommet du divan. Gimmick, regarde. C'est ta table. Allons voir s'il reste quelque chose à manger. Tu as toujours faim ? Non, mais maintenant, oui. De plus, nous devons attendre que le fop s'en aille. D'accord, allons-y. Waouh, regardez cette table. Quel désordre, hein? Non, ce n'est pas tellement ce que je voulais dire. Simplement, tout a l'air tellement différent quand on est aussi petit que nous. Hé, regardez la taille de ce crayon. Waouh! J'ai faim. Voilà les victuailles que nous avons ramenées aujourd'hui. Il ne t'en faudra plus beaucoup pour te rassasier maintenant. Regarde comme cette fraise est énorme. Wow! Je me demande si je vais pouvoir mordre dedans. Oh, je suis sûr que tu trouveras un moyen, Grubby. Tu as raison, Gimmick. Hey, regarde ces champignons. J'arrive dans une minute. Grubby, voyons, on ne parle pas la bouche pleine. Ok. Et on ne commence pas par le dessert. Une brioche. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était aussi intéressant de voir les choses d'aussi près. On dirait un monde tout à fait nouveau. Eh oui, en effet, Teddy. Nous avons fait tout le tour de la table, en regardant les objets familiers qui nous semblaient bien différents. Grubby dévorait tout des yeux. Nous avons vu une bobine de fil. Puis, grâce à la loupe de Gimmick, nous avons observé du pollen sur une fleur. On aurait dit de petits melons. Oui, mais je ne les mange pas. Pas plus que le fil. Nous avons aussi regardé une feuille sur la tige d'une fleur. Avec la loupe, elle était toute différente de ce que nous voyons d'habitude. Oh ! Tout va bien, Gimmick ? Oui, je crois. J'ai juste trébuché sur quelque chose. On dirait un petit caillou. Il y en a plein là-bas. Oh ! Je crois savoir ce que c'est. Tiens, regarde avec la loupe. Qu'est-ce que c'est ? Lèche ton doigt et goûte. Eh, mais c'est du sel. J'ignorais qu'on en faisait en cube. Mais ce sont des grains de sel normaux. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais le sel a toujours cet aspect-là. De petits cubes presque parfaits. Je les ai déjà étudiés auparavant au microscope. Mais c'est génial! Est-ce que le sucre a également cet aspect-là? Non. Viens, je vais te montrer. Cherchons le pot de sucre. Bien. Et il y a du sucre renversé sur la table. Oui. Heureusement que tu es mauvais maître de maison. Je n'ai pas tellement envie de grimper dans ce pot de sucre. Gimmick avait raison. Le sucre était différent du sel. On aurait dit plutôt des cristaux. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? C'est une mouche! Va-t'en! La mouche cherchait le sucre. Nous sommes vite allés nous cacher, puis nous l'avons regardé manger le sucre. Je suis bien content de ne pas être toujours aussi petit. Ce serait un vrai fléau. Oui, ça se pourrait bien. C'est alors que nous avons remarqué que Fuzz, le phobe, était allé dormir dans un coin de la pièce. C'était pour nous l'occasion de retourner à la machine de gimmick. Nous sommes descendus du divan et nous nous sommes dirigés vers le cercle de lumière et la commande à distance. Je pense pouvoir atteindre le sommet de l'appareil. Non. Teddy, il va falloir que tu te hisses sur mes épaules. Chut. D'accord. Viens, Gimmick, suis-moi. Je te suis. Tiens bon. Tu y es presque. Ça va. Maintenant, laisse-moi appuyer sur ce bouton vert afin que nous retrouvions notre taille normale. Ah, voici le bouton. Il est énorme, n'est-ce pas? Je vais devoir grimper dessus. Je vais t'aider. Oh, le bouton ne veut pas s'enfoncer. Hé, aide-moi à grimper. Peut-être qu'à deux, nous y arriverons. Gimmick et moi, nous nous trouvions sur le bouton vert, mais nous n'arrivions pas à l'enfoncer. Nous n'y arrivons pas. Grubby, il faut que tu grimpes aussi. Tout à coup, nous remarquâmes que Fuzz s'approchait de nous. Oh, c'en était fait de nous! Nous l'avons réveillé! Oh, vite! Il faut sauter plus fort tous ensemble! Sauter! Sauter! Gimmick, quelle idée d'avoir construit un bouton si difficile à enfoncer! Il était facile à enfoncer quand il était plus petit et que nous étions plus grands! Oh non! Il se rapproche! Nous sommes faits! Attention! Il va bondir! Tout le monde descend! Oh. Hey, nous sommes redevenus grands! Fuzz doit avoir atterri sur le bouton vert. Quand nous nous sommes retournés, une terrible surprise nous attendait. Fuzz était devenu un phobe géant! Wow! Regarde sa taille! Gimmick, tu nous avais caché que ta machine faisait aussi grandir les objets. Je n'y avais jamais vraiment pensé! Bien, tu ferais peut-être mieux de réfléchir pour trouver un moyen de lui rendre sa taille normale. Cherche la commande de contrôle à distance. Nous devons appuyer sur le bouton rouge. Dépêche-toi, avant que Fuzz ne sorte du cercle de lumière. Il est peut-être assis sur la commande. La voici, sous sa queue. Je n'arrive pas à la prendre. Aide-moi à soulever sa queue. Enfonce le bouton rouge. Mais reste bien en dehors du cercle de lumière. D'accord. Ça y est. Ça a marché. Fuzz a retrouvé une taille normale. Allons, viens, petit Fuzz. Tu as eu une terrible journée, n'est-ce pas? Nous aussi, d'ailleurs. Gimmick, c'est vraiment une machine merveilleuse. Je suis content que tu aies trouvé un moyen d'utiliser les cristaux. Oui, je dois le reconnaître, Gimmick. Cette fois-ci, tu as vraiment trouvé quelque chose. Oui. Et merci. La machine de Gimmick nous avait donné l'occasion de bien regarder les choses qui nous semblaient d'habitude très ordinaires. Et depuis lors, je crois que tous nous comprenons que même si une chose est petite, elle a son importance. Regarde bien le monde et toutes les merveilles qu'il nous montre seront toujours un point de rencontre. Alors regarde bien le monde. Prends bien soin du monde. N'oublie pas que la terre est ronde. Les graines qu'aujourd'hui tu as plantées demain seront un champ de blé. Chaque brin d'herbe, chaque petite plante, chaque insecte, chaque fourmi, si tu l'observes, tu verras qu'ils font partie du monde comme toi et moi. Regarde bien le monde et toutes les merveilles qu'il nous montre seront toujours un point de rencontre. Alors regarde. La terre est ronde. chaque bourdon, chaque petite fleur, chaque bourgeon. Ceux qui viendront après moi voudront aussi voir tout ça. Regarde bien le monde. Regarde bien. Qu'aujourd'hui tu as planté, demain seront un champ de blé. C'est beau de voir tous ces panneaux.